طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أخانا موسى، الفقه كلمة الفقه في اللغة ما معنى؟ أيوة، c'est quoi son sens dans la langue arabe؟ الفقه، الفقه. ما تذكر؟ طيب، ها؟ أيوة، la compréhension، الفهم. نعم. الفهم. طيب يا عثمان، est-ce que le fait que est-ce que le fait que l'eau que d'avoir la connaissance ou est-ce que le fait que l'eau mouille, ceci est une chose qui est, que l'on voit dans où se le fait. Non, c'est une chose que la raison l'a laissé. Non, là, لأن هذا متعلق بالأحكام العادية coutumier ou عقلية. طيب. Le fait qu'arrivé en été, la température monte. Est-ce que ça, c'est une chose aussi par laquelle qu'on va voir dans le sujet de fiqh? Là, pourquoi? Parce que ça, c'est متعلق بالأحكام العادية. طيب. Est-ce que le fait que Jibril il avait 600 ailes? On va voir cela dans le sujet de fiqh. لا لماذا؟ لأن هذا متعلق بالعقائد فأصول الفقه c'est propre aux actions que doit faire l'homme que doit faire l'être humain. نعم. على كل حال on avait évoqué on avait terminé de lire. طيب اذا الفقه مست يعني اصطلاحا. Le fiqh dans l'istilah, c'est quoi? C'est qui peut nous donner une définition? Le fiqh selon l'avis des gens de la jurisprudence. Maho. Voilà, na'am. C'est la connaissance des règles religieuses. طيب وماذا معرفة أحكام الشرعية بأدلتها ماذا التفصيلية يعني معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. طيب donc on avait donc lui déjà quand on a commencé il a expliqué c'est quoi usul d'un côté et le fiqh de l'autre. Là il n'a pas encore donné la définition. Là la définition qu'il vient de donner Ismaïl c'est la définition du mot fiqh, le fiqh selon l'istilah, c'est pas la définition de usul al-fiqh. Là maintenant on va rentrer dans la définition de usul al-fiqh. طيب قال أما الثاني باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين فيعرف بأنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. Donc usul al-fiqh. Donc il te dit. Et en ce qui concerne l'association des deux mots, usul wa fiqh, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça engendre comme définition? Usul al-fiqh. Donc il dit, C'est une science qui cherche à travers, elle est au sol, elle fait, c'est une science qui cherche à travers l'épreuve du fiqh al-ijmaliya, l'épreuve globale du fiqh, ainsi que comment les utiliser. Comment les utiliser. Et aussi, c'est une science en, qui recherche ou qui marque une intention particulière à porter sur la situation du mustafid. Le mustafid, c'est celui... Non, le mustafid, c'est le savant. Ou celui qui atteint le degré de l'ijtihad. Celui qui peut faire des fatwas. C'est quoi la phrase que tu as dit sur le mustafid? Le fait de connaître la situation du mustafid. Tama. Parce que dans Usul al-Fiqh, on va voir c'est quoi, quelles sont les conditions pour pouvoir dire qu'on a atteint le niveau de l'ijtihad. Al-Mujtahid, c'est celui qui peut prendre un verset et te tirer un jugement. Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est... est-ce que c'est haram? Est-ce que c'est mubah? Est-ce que c'est mustahab? Est-ce que c'est am? Est-ce que c'est marsous? Est-ce que c'est khas plutôt? Est-ce que c'est... Tamam? Alors, qala fal muradu bi qawlina al-ijmaliya, lorsque donc Cheikh Al-Uthaymeen explique sa parole lorsqu'il dit al-ijmaliya, lorsqu'il dit que c'est une science qui recherche dans les preuves du fiqh global, lorsqu'il dit il explique le mot global, c'est-à-dire al-qawa'id al-am, c'est-à-dire les preuves du fiqh, les preuves du fiqh qui sont globales, c'est-à-dire les bases générales. C'est-à-dire les bases générales. Mithlu qawlihim al-amru lil-wujub. Mithlu qawlihim al-amru lil-wujub. مثل قولهم الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصحة تقتضي النفوذ فخرج به الأدلة التفصيلية فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة. نعم. Donc là, il t'a donné des exemples de règles globales. Comme l'impératif indique l'obligation. C'est-à-dire lorsque l'impératif est utilisé dans une phrase, ça indique l'obligation. Lorsque an-nahy lit-tahrim, lorsque il y a une interdiction, si le prophète Hassem, il interdit de faire une chose, alors ça sous-entend le caractère haram. Tout ça c'est des qawa'id qui sont globales, am. Tamam. Naam. Ça c'est le premier chapitre. Après demain on va rentrer directement dans les, si on termine cette page là, demain inchallah on rentre dans les ahkam. Et ça va vous plaire un peu plus. C'est-à-dire les ahkam, c'est quoi? C'est le wajib. Qu'est-ce qu'on appelle une chose wajib? Qu'est-ce qu'on appelle le haram? Qu'est-ce qu'on appelle le mustahab? Qu'est-ce que ça sous-entend? Qu'est-ce que ça? Yani, c'est des choses plus claires à comprendre. Et là, c'est juste en guise. Yani, c'est juste une introduction. C'est juste une introduction. Même si vous retenez pas tout, ce qui va venir, c'est ça le plus important à retenir. Ce qui va venir, c'est ça le plus important à retenir. Taïb qala wal muradu. Naam. والمراد بقولنا وكيف الاستفادة وكيف الاستفادة وكيفية الاستفادة منه أو منها. Et lorsque Cheikh Al-Uthaymeen dit dans sa définition, c'est une science qui cherche à travers les preuves du fiqh global et aussi comment les utiliser, comment utiliser ces preuves-là. Donc là, il va expliquer qu'est-ce qu'il veut dire par comment utiliser ces preuves-là. Ay ma'rifat kayfa yastafid al-ahkam min adillatiha bi dirasati ahkam al-alfaz wa dalalatiha. C'est-à-dire, dans cette science-là, on va savoir comment il peut utiliser des règles ou extirper des jugements à partir des preuves du kitab ou de la sunnah. Ça, c'est une science qui va t'aider à savoir comment tu peux extirper un jugement en partant d'un hadith ou d'un ayah. Hein? Comment tu peux extraire, ouais. Extirper, extraire. Non. من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها. Et tout ça en apprenant ou en connaissant en ayant connaissance de qu'est-ce que ce qu'on appelle les textes عموم. Yani al-umum, qu'est-ce que c'est que al-umum, les textes globaux, hein, généraux, n'am. Qu'est-ce que c'est que yani al-khusus, al-khusus c'est ce qui est spécifique. Qu'est-ce que c'est que al-itlaq, comment tu vas traduire ça? Non, des textes qui sont libres, yani des textes qui sont sans limite, sans. Voilà, c'est, on va dire, sans itlaq, yani libre. Yani, ils n'ont pas de restrictions. Ou taqyid, c'est des textes qui ont des restrictions. Tout ça, ça va venir avec, dans ce livre-là. On va voir c'est quoi un texte global. Non, non. Il y a une différence qui est, ou plutôt il y a une ressemblance entre lorsque tu dis une chose c'est am et une chose c'est mutlaq. Mutlaq et am, c'est presque la même définition. Même si tu vas dans le dictionnaire, tu vas voir que c'est la même chose. Ils vont dire que c'est général, le mot général. Quand tu dis mutlaq, c'est général. Quand tu dis am, c'est général. Mais il y a une différence quand même. C'est subtil. Taïb, je vais vous donner cette faïda et puis avec ça on va s'arrêter là. C'est quoi la différence entre am ou mutlaq? C'est global, mais c'est pas libre jusqu'à. En fait, il faut un exemple. Voilà, on va donner des exemples comme ça. Vous allez. Déjà, celui qui veut noter, al-farq bain al-am wa al-mutlaq. La différence entre un texte global et un texte qu'on appelle libre. Tamam? أن العام يشمل جميع أفراده على سبيل العموم. Comment je vais vous traduire ça? أن العام يشمل جميع أفراده على سبيل العموم. C'est-à-dire que ce qui est am, ce qu'on appelle am, ça regroupe chaque partie de la chose d'une manière globale. Ça, on va venir avec un exemple. An al-am yashmal jami' afrad yashmal jami' afradihi ala sabil al-umum. Wal mutlaq. C'est quoi déjà le français en rapide? En rapide? En français, non, je En français طيب يعني العام ce qu'on appelle العام c'est ce qui regroupe la totalité j'avais voilà chaque partie de la chose d'une manière globale. C'est difficile un peu à comprendre, mais avec l'exemple vous allez tout de suite comprendre tamam. Tandis qu'elle mutlaq, يعم جميع أفراده على سبيل البدل. البدل. Tandis que le mutlaq, il englobe la totalité. On avait dit quoi dans le premier en français? Voilà, il englobe yani chaque partie de la chose, mais d'une manière remplaçable. Mais d'une manière remplaçable. Comme ça, c'est du chinois. Mais avec l'exemple, vous allez mieux comprendre. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayakallah. طيب, donc avec l'exemple, vous allez mieux comprendre. فإذا قلت لك لا تعتق رقبة. Si je viens, je te dis la ta'tiq raqabatan. Hein? Si je te dis la ta'tiq raqabatan, n'affranchis pas d'esclaves. Tamam? Là, c'est ce qu'on appelle am. Que l'esclave il soit grand, vieux, petit. Que ce soit 2, 3, 4, yani c'est عام. Tamam? لا تعتق رقبة فهذا عام يشمل كل رقبة. C'est global, ça sous-entend n'importe quel esclave. Tu n'affranchis aucun esclave. Tamam? Ça c'est يعني عام. ouais c'est que les esclaves voilà. واما اذا قلت لك اعتق رقبه. Et là si je te dis affranchis un esclave. C'est pareil. Hein? C'est pas. Voilà, ça veut dire que là, regarde. Là, est-ce que tu dois affranchir tous tes esclaves? Non. Si tu as affranchi un esclave, khalas. Si tu as affranchi un esclave, khalas. En fait, quand on a dit le mot remplacement, c'est par ça, par rapport à ça. Il implique tous les esclaves, mais à la sabil et le badel. Juste un, khalas, ça suffit. Tamam? Vous avez compris? C'est quoi le farq entre am et mutlaq? Le premier il est fermé. Le premier il est fermé. Il est restreint. Il est restreint. Le deuxième il est ouvert mais. Il n'est pas. Voilà. En fait c'est dans la globalité. Le premier il englobe tout. Tamam? Le deuxième, le mutlaq, lui juste si tu viens avec. Comment dire? Comme là, dans la partie, mais dans la partie, c'est libre, c'est ça. Voilà, si tu viens avec le ce qui est demandé, juste même un, khalas, t'as, comment dire, t'as obéi à l'ordre. Taïb. Je vais vous donner un autre exemple, vous allez me dire. طيب أكرم الطلبة أونور لي زيلام أكرم الطلبة سا سي مطلق و سي عام سي عام سي عام سي عام سي عام سي عام سي عام سي عام سي عام سي عام سي عام سي عام سي عام سي عام سي عام. Est-ce que tu t'es fort, tu t'es, comment dire, tu as répondu à l'ordre. Oui. On est 10, je t'ai dit, Akrim al-Talaba, honore les élèves. Toi, on est 10 élèves, toi, t'en as honoré 5. C'est bon. Non, parce que tous les élèves. Là, faut que tu passes, là, c'est Aam. Là, c'est Aam. Non, là, c'est Aam. Non, mais c'est Aam, parce qu'il y aura tout le monde. Oui, mais là, sur ma phrase à moi, là, Akrim al-Talaba, honore les élèves. Là, si toi, on est 10 dans la salle. On est 10 dans la salle. Moi, je t'ai dit, honore les élèves. C'est tous les élèves. Tu vois, honore les élèves. Aujourd'hui, là, on est combien? On va dire, on est 10. Tu vois, on vient, on honore cette partie-là et on n'honore pas cette partie-là. Est-ce que j'ai accompli l'ordre qu'on m'a demandé? Non, je l'ai fait à moitié. Ça va? Des élèves. Non, c'est toi, voilà, si tu dis par exemple honore des élèves. Honore des élèves, Mandra. Non, Marcel. T'as moi? En fait, c'est défini en fait. Il y a une forme. T'as, là je vous donne un autre exemple. طيب اكرم طالبا honore un élève, peu importe l'élève que tu ramènes, hein, peu importe l'élève que tu ramènes, qu'il soit grand, petit, ancien, nouveau ou quoi, si tu honores cet élève, alors tu auras accompli l'ordre, et ça c'est mutlaq. Vous avez compris la différence? De toute façon, cette faïda va revenir avec nous lorsqu'on va rentrer. Il y a un chapitre sur le âme, il y a un chapitre sur le mutlaq. C'est juste que comme on était dans la discussion, on a évoqué cela. طيب قال بعد ذلك والمراد بقولنا وحال المستفيد. Et lorsque on dit que cette science, elle recherche aussi au sujet du mustafid. C'est quoi la situation du mustafid? قال معرفة حال المستفيد وهو المجتهد سمي مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه. Donc le fait de connaître quel est le véritable mujtahid, le véritable savant qui peut se permettre de faire des fatwas, ça c'est un chapitre que l'on va voir dans Usul al-Fiqh, lorsqu'on va voir quelles sont les conditions de l'ijtihad, les conditions à quel moment tu peux atteindre le niveau de l'ijtihad. Donc ça rentre bien dans Usul al-Fiqh. Dans ce livre là on va voir ça. T'as vu? Thomas, on termine sur le petit par exemple là où il évoque Fa'idat usul al-fiqh. Quel est le mérite de usul al-fiqh? Qala Cheikh al-Uthaymeen, inna usul al-fiqh ilmun jalil al-qadr baligh al-ahamiyya ghazir al-fa'ida. Donc c'est une science extrêmement importante et de grande valeur. Fa'idatuhu التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أساس سليمة. Donc sa faïda, son utilité, c'est que par cette science-là, tu vas avoir une capacité. Tu vas avoir une capacité à pouvoir extirper des jugements religieux à partir de preuves du Coran et la Sunna. Donc celui qui n'a pas fait usul al-fiqh, donc qui ne connaît pas c'est usul al-fiqh, qawaid al-fiqhiyya, lughat al-arabiyya ou al-aqida, en vérité il n'a pas le droit de parler de donner des fatwas. Non, parce que ça c'est des choses où on requiert un minimum de science, un minimum de connaissances. Et un minimum de connaissances, c'est pas que dans l'ilm de l'aqidah, que dans l'ilm de fiqh. Non, un minimum de connaissances. Dans l'aqidah, un minimum de connaissances. Dans le tawhid, un minimum de connaissances. Fil fiqh, un minimum de connaissances. Fil arabiya, wa halumma jara. Taïd, lakin, celui qui a étudié ce genre de livre, hein, il va mieux comprendre le Coran. اولا وكذلك سيستفيد عند اختلاف العلماء il va vraiment profiter de ce genre de science lorsqu'il aura un avis à choisir lorsqu'il y a des divergences entre les savants sur quoi il se base tamam puisque lui il aura étudié les bases, les fondements sur lesquels ces mêmes savants ils s'appuient pour extirper un jugement. Ça veut dire que ça lui sera plus facile de faire le choix entre deux fatwas. Donc vous comprenez l'importance de ce genre de cours. طيب وأول من جمعه كفن المستقل الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله. Donc le premier à avoir regroupé la science de Usul al-Fiqh comme étant une matière à part, c'est l'imam Shafi'i. Thumma taba'ahu al-ulama fi dhalika fa'allafu fihi at-ta'alif al-mutanawi'a ma bayna manthur wa manzum wa mukhtasar wa mabsut hatta sara fannan mustaqillan له كيانة وميزاته له كيانه وميزاته أو مميزاته. Donc c'est l'imam Shafi'i qui a le premier à avoir édité un livre au sujet de Usul al-Fiqh, puis ensuite les savants l'ont suivi en écrivant énormément d'ouvrages, que ce soit des poésies, que ce soit des textes, que ce soit des résumés, que ce soit des livres à plusieurs volumes ou autres. Tamam. Donc Inch'Allah, à partir du cours de demain, on va rentrer dans Al-Ahkam et on va essayer d'arriver jusque Al-Wajib. C'est quoi Al-Wajib? Qu'est-ce qu'on appelle une chose wajib? Et vous allez prendre au fur et à mesure énormément de plaisir. À savoir enfin ce genre de. Quel est le sens de ces mots que beaucoup de gens utilisent? Hada wajib, ça c'est obligatoire. Hada mustahab, hada mubah, hada muharram, hada makruh. Tout ça, vous allez le voir inshallah dans les dros qui suivent. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك